الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه متابعون بإحسان ليوم الدين. أما بعد، طيب إن شاء الله اليوم سنخوض كذلك حديثين جديدين من هذا الكتاب المبارك. وقد قربت نهايته، بقي قليل منه حتى نكمله. Donc on va prendre deux autres hadiths aujourd'hui. Nous sommes proches de la fin. Il doit rester le 95e et on arrive à 99 hadiths. Et de là, le kitab sera achevé. Bismillah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أرأيت رجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن رواه مسلم. Donc il était dit au Nabi alayhi salatu wassalam, au message d'Allah, vois-tu la personne qui fait des bonnes œuvres et qui se voit louer par cela et aimer des gens. Qu'en est-il? Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, cela est une bonne nouvelle pour lui, pour le croyant. Une bonne nouvelle qui annonce ce qui viendra dans l'au-delà. Non. Car de base, les œuvres pieuses sont les choses que les gens aiment, de façon générale. Il y a des œuvres pieuses connues de tous, et d'autres qui sont plus subtiles. يقول المصنف أو شارح أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن آثار الأعمال المحمودة المعجلة لها من البشرى فإن الله وعد أولياءه وهم المؤمنون المتقون بالبشرى في هذه الحياة وفي الآخرة. Donc ce hadith à travers lequel le prophète صلى الله عليه وسلم nous indique que les traces, on pourrait dire les conséquences ou les répercussions des œuvres, des bonnes œuvres, cela apparaît en ce bas monde. Et cela est considéré comme étant une bonne nouvelle pour la personne. Car Allah Azzawajal a promis à ses awliya, qui sont les croyants craintifs, justement de cette bonne nouvelle, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc les bishara là-bas, c'est ça, c'est une bonne nouvelle. Souvent les gens, quand ils posent une question, je crois que ça a coupé, on dirait. Les gens, souvent, quand ils te disent « Ya Foulen, est-ce que tu peux faire telle et telle chose ?» Tu lui dis « Abshir, Inch'Allah. » Et souvent, les gens demandent, c'est-à-dire quoi « Abshir ?» Abshir, en réalité, on n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais dans le sens « Bonne nouvelle, oui, je vais le faire. Réjouis-toi, Inch'Allah, je vais le faire. » Takriban Vyad al-Ma'ana. Donc, ce fana des gens sur les actes que la personne ferait, biznillah ta'ala, sont une bonne nouvelle. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons, famarad bihim janazatan. Il y avait deux salats janaza qui sont passés devant eux. Quand une est passée, il a dit wajabat. Et quand l'autre est passée, il a dit, ou plutôt il a demandé au, afin j'ai oublié, il a demandé au sahaba, que dites-vous de cette personne-là? Ils ont dit c'est un homme pieux, ainsi de suite, en faisant son éloge. Il a dit wajabat. Puis une deuxième janaza est passée. Et là, il a dit aux gens, que pensez-vous de lui? Et là, les gens ont émis des paroles moins bonnes. Il a dit wajabat. Par la suite, les gens ont interrogé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport à ces termes. Il a dit mazakulta wajabat. Il a dit, cette personne-là qui est passée en premier, de façon générale, vous avez fait son éloge. Donc j'ai dit wajabat, c'est-à-dire le Jannah lui est, dans le sens, promis. Dans le sens obligatoire, mais promis. Car vos éloges à son encontre amènent à cela. Et le deuxième, c'était le contraire. Vu les critiques qui ont été émises, alors je dis wajaba, c'est-à-dire le nar. Car c'est une personne qui n'était pas bonne. Après, il faut comprendre une chose, c'est que le hukm des sahaba, kanu min a'dal an-nas, c'était les gens les plus justes. Ils faisaient des éloges, et ces éloges étaient pris en considération. C'est pas comme notre époque. Aujourd'hui, on va faire des éloges de gens qui ne méritent pas. Et critiquer des gens qui ne méritent pas. Les sahaba, on peut pas comparer. D'accord? Ils avaient la taqwa, ils avaient la basira. Ensuite, ils n'étaient pas infaillibles. Mais quand tu avais un lot de sahaba comme ça, qui étaient d'accord sur une chose par rapport à une personne, généralement, c'est que c'était, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une bonne nouvelle. Donc ce hadith, il est muqayyid, an-nas, c'est pas n'importe quelle personne. Ça va être les gens de bien. D'accord ? Et les nas, là, ce qui évolue également, ça va être les croyants. Les croyants, bien que tu verras des koufars qui sont équitables et qui pourront faire des éloges des musulmans sur les choses qu'ils vont faire. On va trouver. On va dire, cette personne-là, elle est respectueuse, cette personne-là, elle est juste, cette personne-là, ceci et cela. À part les gros haineux, même les koufars, ils parlent bien du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des valeurs qu'il avait, de son noble caractère. Et pour preuve, ils ont même été jusqu'à dire que l'islam, en fait, c'est le fruit de son intelligence. C'est un homme tellement intelligent qu'il a pu faire ceci et cela. Donc, c'est une critique, en même temps une éloge. Une critique du fait qu'ils ne reconnaissent pas l'islam, mais une éloge du fait que c'est tellement grand que cet homme-là, c'était pas n'importe qui pour avoir fait ce qu'il a fait. C'est une parole qui est fausse, car la religion, c'est une révélation. Ce n'est pas le fruit de l'intelligence du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il savait, comme vous savez, il savait ni lire ni écrire. Non. Donc, dans ce bas monde, il y a quoi ? Le paragraphe. يقول وأنه من أهل السعادة وأن عمله مقبول. Donc cette bonne nouvelle vient pour indiquer que la personne est parmi les gens du bien, les gens qui seront heureux et dont les œuvres sont acceptées. Quand on dit heureux, c'est des gens qui ont une bonne vie, c'est-à-dire qu'ils ont une vie qui est en conformité avec l'islam. علمًا بأن لا أحد يسلم من الفتن ومن المشاكل ومن الحزن والمصائب وغير ذلك. D'accord. Même quand une personne qui est heureuse, qui est dans le bien-être, ne veut pas dire que c'est une personne qui sera épargnée des épreuves, de la tristesse, des douleurs et autres. Car dans le Coran, comme vous savez, Allah l'a déjà promis à tout le monde. Donc, ne pas avoir une mauvaise compréhension du mot bonheur et bien-être. Et, comme a parlé par des salafs, al-hayat al-tayyiba yal-hayat al-kitab wa sunnah. La bonne vie, c'est la vie qui est sur le suivi du kitab de la sunnah. C'est ça la bonne vie. Tu sois riche, sois pauvre, en bonne santé ou malade, tu vis en fonction de la révélation, tu auras une bonne vie. Et qui plus est, une bonne fin. Et quant à l'au-delà, cette bonne nouvelle, Fayal Bishara Birida Allah wa Sawabi. C'est une bonne nouvelle que la personne a obtenu l'agrément d'Allah Azawajel et sa récompense. Wal Naja min Ghadabi wa Iqabi. Et qu'il sera justement, qu'il aura réussi, c'est-à-dire qu'il sera épargné de sa colère. Et de son châtiment. Andel maut, wa fil qabr, lors de la mort et dans la tombe. Ou andel qiyam il el bath, également au moment de la résurrection. Taïb, et parmi justement ces traces de la bonne nouvelle, yakul fa arzamuha tawfiquhu lahum lil khayr, wa ismatuhu lahum min ash-shar. Le plus grand signe de cette bonne nouvelle, c'est que Allah Azzawajal accorde le tawfiq à son serviteur pour lui permettre d'accomplir le bien. Et l'épargnera de accomplir du mal. D'ailleurs, ça c'est le sujet du hadith qu'on va prendre ce soir dans Arba'in Nawawiyah, dans le hadith d'Abu Huraira, lorsqu'il dit, dans le hadith Qudsi, lorsqu'il dit Allah Azzawajal, « وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَا عَبْدِي بِشَيْنَ حَبَّ إِلَيَا » que mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par les choses que je lui ai rendues obligatoires. Que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les nawafil jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, il a dit, kuntu sama'ahu ala yasma'u bihi, je serai son ouïe par laquelle il l'entend. Et la vue par laquelle il voit. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal fait que toutes les sens et tes membres sont au service du khayr, dans le bien. Mais là, ce hadith-là, Inch'Allah, sera le sujet du dars de ce soir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Amma ahl sa'ada fa yujassaruna lil'amel les Amel El Saada, les gens du bien seront facilités pour accomplir les gens du bien. Parmi justement les bichara, les bonnes nouvelles que tu peux avoir dans ce bas monde, c'est de voir que Allah Azzawajal t'a accordé le tawfiq d'être sur un suivi correct de la religion. فإذا كان العبد يجد الأعمال أو أعمال الخير ميسرة له ومسهلة ومحفوظا بحفظ الله عن الأعمال التي تضره كان هذا من البشرى التي يستدل بها المؤمن على عاقبة أمره. Donc maintenant, si tu vois le serviteur qui trouve que l'application des bonnes actes, des bonnes œuvres lui sont facilitées, alors qu'il prenne cela comme une bonne nouvelle. Et qu'également, il voit qu'il est souvent épargné de bien des maux. Qu'il prenne cela comme une bonne nouvelle. Yani, tu vas voir des gens, quand tu leur expliques comment faire telle et telle chose, ils voient la chose comme étant insurmontable. Et toi, tu vois que tu arrives à la faire facilement, alhamdoulilah. Bah, prends-la comme une bonne nouvelle. Ou tu vois des gens qui tombent dans des problèmes, qui auraient pu te toucher, et tu vois que tu en étais épargné. Vous voyez, tu as dit, j'avais la même situation que lui, à peu près le même circonstance que lui, pourtant lui, il arrivait telle chose et pas à moi. Et quand on parle d'un mal, là on parle d'un mal, une chose qui est nuisible. Ça veut dire que ça ne va pas dans la religion de la personne. Une chose nuisible. Pas un mal comme une maladie ou ce genre de choses-là. Ça peut être des épreuves pour tes grands degrés. Donc quand tu vois que telle personne, il lui arrive telle et telle chose, mais cela n'est pas toi, dans ta religion, alors prends-le comme une bonne nouvelle. Yaqul, wa min al-bushra fi al-hayat al-dunya, mahabbat al-mu'min lil-abd, liqoulihi ta'ala, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Donc parmi les bonnes nouvelles justement dans ce bas monde, c'est que tu verras les croyants, le croyant, être aimé des croyants. Dans le sens où Allah dit que certes ceux qui ont cru et qui ont œuvré dans le bien, que Allah mettra, le Rahman plutôt mettra de l'amour envers lui dans le cœur des gens. Ça c'est l'un des ta'wil que l'auteur cite. ومن ذلك الثناء الحسن فإن كثرت الثناء المؤمن على العبد شارة منهم والمؤمنون شهداء الله في أرضه كذلك il y a l'éloge des gens à son encontre car le fait qu'il y ait beaucoup d'éloges de la part des croyants sur un serviteur cela est un témoignage de leur part et que les croyants sont les témoins d'Allah Azzawajal sur sa terre. طيب bien sûr El Maqsoud, là, c'est El Al-Adl, les gens de la droiture. Les gens de la droiture. Et Kazalik, on peut prendre une chose qui est que les gens de bien, Mathalène, parlent en toi de bien, et que les gens du mal parlent en toi du mal. Prends-le comme un éloge, Kazalik. Quand tu vois les Moutadjara qui ne t'aiment pas, par rapport à ta religion, ou que les Koufars ne t'aiment pas, par rapport à ta religion, bah, prends-le comme une bonne nouvelle également. L'une des meilleures tesquilles que tu peux savoir, c'est que les gens du Batil, te critique pour ta religion, à ce moment-là, bah, tu peux dire Alhamdulillah. Ça veut dire que ce que j'ai à faire, je le fais un minimum correctement, car ces gens-là, à la base, si j'étais comme eux, ils m'aimeraient, je ne veux pas être comme eux. S'ils ne m'aiment pas, c'est que je ne suis pas comme eux. Tu te distingues des gens du Baratil. Donc ça aussi, quand tu vois des gens du mal qui te critiquent et autres s'en prennent à toi injustement pour ta religion, prends-le comme une éloge et prends-le comme une bichara. Non. يقول من ذلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له فإن الرؤيا الصالحة من البشارة من المبشرات. Parmi les choses qu'on peut considérer comme étant les bonnes nouvelles, il y a également les rêves, les bons rêves. Soit un rêve que le croyant voit lui-même, ou un rêve que des gens vont voir de lui. Les gens vont voir des rêves. Un des frères dans lequel il se passe un khayr, ça peut être considéré comme étant une bishara. ومن البشرى أن يقدر الله على العبد تقديرا يحبه أو يكرهه ويجعل ذلك التقدير وسيلة إلى صلاح دينه وسلامته من الشر. Et tu vois qu'Allah Azzawajal, comme on dit tout à l'heure, il lui facilite toutes choses relatives à sa religion qu'il arrive à accomplir correctement, contrairement à beaucoup d'autres. Et le contraire aussi. Un signe qui peut montrer que Allah Azzawajal ne te veut pas du bien dans le sens Kaunan, parce que Shara'an, Allah, il veut que du bien, mais Kaunan, que ton, ton takdir est autre, c'est que tu vois que les choses du mal, bah, t'y facilitent. Comme elle l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, œuvrez car chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire les gens du Jannah sont facilités par les œuvres des gens du Jannah et les gens du Nar par les œuvres des gens du Nar. Non. Donc ce qu'il faut retenir du hadith, hafizakumullah, c'est que l'éloge des gens et parmi les gens du Adl envers le croyant, cela est une bonne nouvelle pour lui. Une bonne nouvelle en ce bas monde, d'accord, et pour l'au-delà. Biznillah ta'ala. Bien sûr, tout cela c'est général, les frères. C'est un hukum qui est général. Il y a des gens, des fois, beaucoup de gens font leurs éloges, et on sait que ce ne sont pas des gens de bien. Il faut voir le hell des gens qui font les éloges. D'accord ? Ils sont nombreux, mais ils sont beaucoup, sont ignorants, ils ne savent pas. Yaqul al-hadith al-sadis wa tis'un. 96e hadith. An Abdillah ibn Amr, radiallahu anhuma, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين أخرجه الترمذي. Donc selon Abdullah ibn Amr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'agrément d'Allah est dans l'agrément des deux parents et que la colère d'Allah est dans la colère des deux parents. Et ce hadith مختلفون في حكمه وقد صححه الألباني. Ce hadith, de ce que je me rappelle, n'est pas unanimement reconnu comme étant authentique, mais avec des grands savants comme l'Albani que vous connaissez, l'a authentifié. Et ce hadith, là où Shawahid. Ce hadith, il a d'autres preuves qui témoignent de son sens. Mathalan, Rida Allah fi Rida al-Walidain, l'agrément d'Allah est dans l'agrément des deux parents. Vous avez le hadith de Ibn Omar, des trois dans la caverne. Parce que la caverne s'est retrouvée bouchée. وقال لا ينجيكم من هذا الغار الا ان تتوصلوا الى الله بصالح اعمالكم. Que vous ne saurez être sorti de cette caverne ce n'est que en invoquant Allah Azza wa Jal par le biais de vos bonnes œuvres. Le premier, il a fait quoi? Il a cité l'œuvre qu'il a fait pour ses parents lorsqu'il a fait devancer ses parents sur ses propres enfants pour les nourrir, leur donner un verre de lait. D'accord? Donc ça a été une bonne action qu'il a faite qui a contribuer à ce que la caverne se débouche pour eux, partiellement. Après, il y a les deux autres. Donc ce hadith prouve, vous savez qu'il y a le nombre d'adillah dans le Coran qui montre que le droit des parents, c'est l'un des droits, c'est le droit le plus grand après celui de Tawhid, parmi les créatures. Et celui du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, tabaran. Donc forcément, les bonnes œuvres ont pour résultat d'obtenir l'agrément d'Allah, azawajal. Donc, l'agrément des parents en fait partie. Lakin hadha yakunu fil ma'ruf. Cela est conditionné. Par quoi? Que cet agrément soit un agrément dans le convenable. On obéit aux parents dans le convenable. Donc c'est pas que tes parents aient agréé pour une chose mauvaise. Ça, c'est pas pris en compte. Ce qui est pris en compte là dans le hadith, c'est leur agrément dans l'agrément d'Allah Azza wa Jal. D'accord? Dans la ta'a. Sur la droiture de la religion. Et كذلك سخط الله في سخط الوالدين, que la colère d'Allah est dans la colère des deux parents. Est-ce que quelqu'un se rappelle de quelque chose, un dalil ou qui confirmerait ce sens-là, qu'il aurait déjà entendu? Non. Hadith de Jureyj. Ahsant, mashallah. Hadith de Jureyj. Jureyj qui était parmi les Bani Israël et qui faisait salat. Et que sa mère l'a appelé trois fois, qu'il n'a pas répondu, et qu'elle a invoqué contre lui, et que son doa est exaucé. Allahumma la tumithu hatta yara wujuh al-mumikat, mumisat, afwan, al-mumisat. C'est-à-dire, Allah ne le fait pas mourir tant qu'il ne verra pas le visage des fornicatrices. Juste voir le visage. Vous voyez? Donc cela a été exaucé, car elle s'est mise en colère. Et sa colère était légitime. À savoir que Jureyj, qu'est-ce qu'il faisait? C'est la salat. Imaginez-vous, sa mère s'est mise en colère, il a désobéi à sa mère en faisant une chose qu'Allah il aime de base. Donc on va dire quoi de quelqu'un qui désobéit à ses parents en faisant du mal? Une chose que Allah n'aime pas. Et que ses parents ne veulent pas qu'il fasse. Qu'est-ce qu'il en est? D'accord? Les gens qui font des péchés, les parents ils sont de droiture, ils interdisent leur enfant de faire telle et telle chose. Et l'enfant désobéit aux parents, et en cela désobéit à Allah Azzawajal. Qu'est-ce que cela va engendrer? Quand Allah Azzawajal sera en colère. Et ses parents seront en colère. Également. Char à la char. Donc, Hada Muqayyed bil Ma'ruf. D'accord? Pareillement, si tes parents, comme dans le verset, s'ils te forcent à faire du mal, taïeb, et qu'ils soient en colère contre toi que tu fasses, du fait que tu n'es pas obéi, ça ne vaut pas le sakhat d'Allah sur toi. Ça ne va pas impliquer qu'Allah soit en colère pour toi. Mais au contraire, tu auras obéi à Allah qui t'a désobéi à la créature. Vous voyez? كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعات للمخلوق في معصية الخالق il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur et ça c'est valable pour les parents c'est valable pour la femme avec son époux c'est valable pour même avec le gouverneur dès qu'il y a une marcia ou quoi on ne doit pas obéir mais ne pas obéir ne veut pas dire se révolter tes parents t'appellent à un mal respectueusement tu refuses. Une épouse, son mari l'appelle à faire un mal, respectueusement, elle refuse. Les gouverneurs appellent à faire un mal, respectueusement, on refuse. Refuser ne veut pas dire se révolter. Même ils appellent à faire de marcier ou quoi, voilà, tu ne te révoltes pas, tu ne la fais pas, tu n'obéis pas. Et sans non plus avoir aller parler sur eux à tort et à travers, à tout va, à tout bout de champ. Maintenant, dans ce hadith, ils sont cités deux sifat min sifatillah azawajal, deux attributs. Andak. Et deux attributs d'Allah azawajal cités dans ce hadith. C'est lui que je voulais. Ah. Non, Alec, t'en fais. La colère déjà. Non, la colère. Et l'agrément. Et l'agrément. Ce hadith, et quand bien même ce hadith aurait été n'ont pas été authentiques, vous savez qu'il y a d'autres adillets qui pensent que Allah Azzawajal se met en colère et que Allah Azzawajal il agrée. Et cette colère, Hada Ghadab, Fahemt, Mima Yaliqo, Bihi Subhanahu wa Ta'ala, une colère qui revient à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le mot colère, comme vous le savez, on sait ce que ça veut dire la colère. La colère d'Allah Azzawajal, Ayyib Kayfiyatu, Majul Indana. On ne sait pas comment cette colère, mais on sait ce que ça veut dire quoi être en colère. Et quand on te dit qu'Allah est en colère contre toi, tu sais que c'est grave. D'accord? Et l'agrément kazalik, ou al-mahabba, tous ces attributs-là. Ou al-ghadab, ou al-mahabba, ou al-rida, min sifat al-fi'liya. C'est parmi les attributs qui sont liés au bon vouloir d'Allah Azzawajal, ses actes. Les sifat, vous savez, il y a les sifat qui sont zatiya, qui sont liés à son essence, celle dont Allah Azzawajal, la tafak anuhu, qui ne sépare jamais de lui. Et le fi'liya, c'est qui fait quand il veut, comme il veut. D'accord? Comme, مثلاً, al-khalq. Bien que Allah Azzawajal, khaliq, fi kulli hin. Cependant, il peut créer une chose, à un moment. Taïeb. Min sifatihi al-fi'liya, al-nuzul. La descente qui a lieu au troisième tiers de la nuit. La musimat fi'aliya. Quand même, et kazali, comme on dit, on comprend les termes, mais on ignore le comment. Et le comment, on ne le cherche pas. Et ceci nous est inconcevable. Mais on comprend le sens. On s'arrête là. On s'arrête là où Salaf sont arrêtés. Non. Donc ce qui a retenu de ce hadith, qui rappelle le droit d'une, des créatures qui parmi les plus importants, celui des parents, et que ce droit emmènerait, lorsqu'il est respecté, lorsqu'on a l'agrément des parents, on a celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand on met nos parents en colère, on met Allah azawajal en colère. Et quant au hadith, « An al-jannah taht aqdam al-ummahat », ce hadith-là, « ma'alam ma'yasbut », que le paradis sous les pieds des mères, ce hadith-là, ce que je connais de ma chère, c'est qu'il ne le rend pas authentique. Mais, lahu ma'na. Il a un sens. Il a un sens qui va dans le sens des autres hadiths qu'on a appris. Et surtout la mère. La mère qabl l'ab. Comme a dit un des sahabis, wa sal al nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ahaq al nas bi husn suhbati, qala ummuk. Qala thumma man, qala ummuk. Qala thumma man, qala ummuk. Qala thumma man, qala abuk. Il a dit que la personne qui est le plus en droit d'avoir ma bonne compagnie, il a dit ta mère. Il a dit puis qui après, il a dit ta mère. Après il a dit qui après, il a dit ta mère. Après il a dit ensuite ton père. La mère trois fois par rapport au père. Pour tout ce qu'elle aura subi dans la grossesse et ce qui s'ensuit. Car c'est elle qui est plus proche de l'enfant que le père. Maraloufad. Voyez, khalas. Ça c'est l'acte de la Qadr al-Yom. Et tout à l'heure, cela sera le dars de l'Arba'in Nawawiya. Bad al-Aisha. Bizna ta'ala. Wa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.